Ce mardi, à Assemblage Requis, on poursuit notre série d'émissions spéciales qui va terminer l'année 2009. À cette occasion, on reçoit en même temps tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission cet automne. Ben, on comprendra rien si tout le monde parle en même temps. Faudra écouter pour le savoir, mardi dès 15h.